Chapitre 10. Après le départ de la servante, David, encore sous l'impression de l'attendrissement que lui causaient les confidences de son ami au sujet de Marie Bastien, garda le silence pendant quelques instants. Le docteur Dufour était de son côté redevenu triste et pensif. La venue de sa servante lui avait rappelé que pour des années peut-être, il allait être séparé de son meilleur ami. David reprit le premier la parole. « Pierre, tu avais raison, j'emporterai un délicieux souvenir de cette charmante Madame Bastien. Bien souvent, ce que tu viens de m'apprendre sera pour moi le sujet de douces rêveries, auxquelles tu seras joint dans ma pensée, car je te devrai une des plus pures jouissances que j'ai goûtées depuis longtemps. Il est si bon de reposer son esprit, de se distraire de peines cruelles par la pensée de l'idéal, car c'est une créature presque idéale que Madame Bastien. Henri, je te comprends. Et pardonne-moi de ne pas y avoir songé plus tôt, reprit le docteur en remarquant l'émotion de son ami. La vue de cet enfant de 16 ans a dû te rappeler. Et comme le docteur hésitait à continuer, David reprit avec accablement. Oui, la vue de cet enfant m'a rappelé celui que je ne peux oublier, mon pauvre Fernand. Il était de l'âge de Frédéric. Aussi, ce bel enfant m'a tout de suite inspiré un intérêt profond. Et cet intérêt s'augmente de toute l'admiration que je ressens pour cette jeune mère si vaillante, si dévouée. Va, mon ami, ce souvenir me sera bon et salutaire, oui, crois-moi. Au milieu de cette vie aventureuse que je vais recommencer, bien souvent, après une rude journée de marche dans le désert, je fermerai les yeux et j'évoquerai la suave apparition de cette charmante femme et de son fils. Ces pensées me reporteront en même temps vers toi, mon bon Pierre. Mon évocation sera complète, son cadre sera ce petit salon où nous avons passé de si longues soirées, dans les épanchements de notre vieille amitié. Et moi aussi, Henri, ce me sera une consolation en te voyant partir, de te savoir un bon souvenir de plus, et de penser, comme moi, que tu t'intéresses maintenant à la plus noble femme que j'ai connue et aimée. Dieu veuille seulement qu'elle ne soit pas fatalement frappée dans son fils, car tu comprends maintenant son fils et sa vie. Mais comment se fait-il qu'élevé par elle et malgré les antécédents que tu m'as racontés de lui, il donne maintenant à sa mère de graves inquiétudes? Et ces inquiétudes, quelles sont-elles? Frédéric, que tu viens de voir pâle, amaigri, sombre, impatient et brusque, était il y a peu de mois plein de santé, de fraîcheur et de gaieté. Alors rien de plus charmant, de plus affectueux que ses manières, rien de plus généreux que son caractère. Je pourrais te citer de lui des traits qui te feraient battre le cœur. Pauvre enfant, reprit David avec une expression de tendre compassion. Je te crois, Pierre. Combien y a-t-il de douleur, d'amertume sur son beau visage, pâle et contracté? Non, non, il n'est pas méchant, il souffre de quelque mal inconnu, ajouta David pensif. Cela est étrange, en si peu de temps méconnaissable, à ce point. Que te dirais-je? Reprit le docteur. Tout a été attaqué à la fois, le cœur et l'intelligence. Naguère rempli de zèle et d'ardeur, l'étude était un plaisir pour Frédéric. Son imagination était brillante, ses facultés précoces. Tout a tellement changé qu'il y a un mois, sa mère, désolée de l'incurable apathie d'esprit où il restait plongé, et espérant que peut-être de nouveaux travaux aiguilleraient sa curiosité, s'est décidée à prendre un précepteur. Il devait donner à Frédéric les notions de quelque science à la fois curieuse, instructive et toute nouvelle pour lui. Eh bien, au bout de 8 jours, le précepteur, rebuté par le mauvais vouloir, la rudesse et la violence de Frédéric, a quitté la maison. Et ce changement, à quoi l'attribuer? Je crois encore, comme il y a quelques mois, que la sombre mélancolie de Frédéric, sa taciturnité, son dépérissement, son découragement, son dégoût de toutes choses, ses brusqueries, ont pour cause l'âge de puberté. Il y a 1000 exemples de pareilles crises chez les adolescents lors de leur avènement à la virilité. C'est aussi à cet âge que généralement les tressaillants, arrêtés du caractère, se dessinent nettement. Que l'homme, enfin, succédant à l'adolescent, commence à se montrer tel qu'il doit être un jour. Cette seconde éclosion cause presque toujours de graves perturbations dans tout le système. Il est donc probable que Frédéric se trouve maintenant sous l'influence de ce phénomène. Mais cette explication si vraisemblable a dû rassurer Madame Bastien. Ah, mon pauvre Pierre, on ne rassure jamais complètement une mère, surtout une mère comme celle-là. Pendant quelque temps, les raisons que je lui donnais ont calmé ses craintes. Mais le mal s'accroît et elle s'alarme de nouveau. Tu ne peux t'imaginer avec quelle éloquence de l'âme, tout à l'heure encore, elle m'exprimait ses angoisses. Avec quelle douloureuse amertume elle s'accusait elle-même en s'écriant « Je suis sa mère et je ne devine pas ce qu'il a. Je manque donc de pénétration et d'instinct maternel. Je suis sa mère et il ne me confie pas la cause du chagrin qu'il dévore. Ah, c'est ma faute, c'est ma faute. Je n'ai pas été véritablement bonne mère. Une mère a toujours tort lorsqu'elle ne sait pas s'attirer la confiance de son fils. » « Pauvre femme, » reprit David, « elle se calomnie au moment même où son instinct de mère la sert à son insu. Que veux-tu dire ? » Certainement, son instinct l'avertit que, si plausible que soit l'explication que tu lui donnes de l'état de son fils, cependant tu te trompes. Car malgré sa confiance en toi, malgré le besoin qu'elle a d'être rassurée, tes paroles n'ont pas calmé ses craintes. Et après être resté quelques moments pensifs, David dit à son ami « « Ce grand château que l'on voit là-bas, à l'horizon, n'est-il pas le château de Pontbriand ?» À cette question qui semblait n'avoir aucun rapport à l'entretien, le docteur regarda David d'un air surpris et répondit « Oui, c'est le château de Pontbriand. » Son propriétaire actuel, le jeune marquis, était parmi les chasseurs qui ont passé tout à l'heure. C'est à lui, ce bel équipage de chasse. Mais quel rapport ? Dis-moi, le fils de Madame Bastien est-il reçu dans la famille de Pontbriand ? Jamais. Cette famille est très fière. Il ne voit que la noblesse du pays et encore une noblesse très choisie. Et Frédéric connaît-il le jeune marquis ? S'il le connaît, c'est tout au plus de vue, car, je le répète, le jeune marquis est trop hautain pour frayer avec le fils d'un petit bourgeois. Cette famille est-elle aimée ? Reprit David, de plus en plus réfléchi. Les Pontbriand sont immensément riches. Presque toutes les terres leur appartiennent à 6 ou 7 lieues à la ronde. Ils possèdent une grande partie des maisons de cette petite ville, où ils ont aussi tous leurs fournisseurs. Tu conçois qu'à défaut d'affection, l'intérêt d'un nombre considérable de personnes dépendantes de cette puissante famille commande du moins un semblant de respect et d'attachement. Aussi, parmi les bravos, les vivas que tu as peut-être entendus tout à l'heure sur le passage du marquis et de sa grand-mère, bien peu, je crois, étaient désintéressés. Du reste, il y a, bon an mal an, une somme fixée pour les pauvres, donnée par la famille. Le maire et le curé sont chargés de la distribution de cette aumône. Mais le jeune marquis ne s'en mêle pas plus que sa grand-mère, dont la philosophie, dit-on, fait pâlir celle du baron d'Holbach. Figure-toi une grande dame de la Régence, avec l'athéisme railleur et la parole cynique de cette époque. Mais, encore une fois, mon ami, pourquoi ces questions au sujet du château et de la famille de Pontbriand ? Parce que, tout à l'heure, seul avec Frédéric, j'ai cru m'apercevoir qu'il éprouve une haine profonde contre ce jeune marquis. « Frédéric ?» s'écria le docteur avec autant de surprise que d'incrédulité. « C'est impossible. Encore une fois, je suis certain que Tsaville n'a parlé à M. de Pontbriand. Allons donc, de la haine contre ce jeune homme. Et pourquoi ? Quelle en serait la cause ? Je l'ignore, mais je suis certain de ce que j'ai vu. Et qu'as-tu vu ? Le cheval qui avait conduit ici Frédéric et sa mère, s'étant détaché sans doute, s'est approché du cortège. Le jeune marquis l'a foyé, et à ce moment, si je ne l'avais retenu, Frédéric, livide de rage, s'élançait par la fenêtre, après avoir montré le poing à M. de Pontbriand. Et pour ne pas effrayer Madame Bastien, tu nous as dit que Frédéric s'était imprudemment penché à la fenêtre. Encore une fois, Pierre, je te le répète, je n'ai pas perdu un geste, un regard, une nuance de la physionomie de ce malheureux enfant. C'est de la haine, te dis-je, qu'il ressent contre cet autre adolescent. Un moment ébranlé par la conviction de David, le docteur reprit « Quand cette circonstance, Frédéric, est cédée à la violence de caractère qui semble se développer en lui, soit. Mais pense, mon ami, que ce changement qui effraie et désole sa mère date déjà de quelques mois. La scène de tantôt a pu un moment courroucer Frédéric, mais une haine assez puissante pour agir si visiblement sur le physique et sur le moral doit avoir une cause terrible et déjà ancienne. Or, je te le répète, le fils de Madame Bastien et Raoul de Pontbriand ne se sont jamais parlé. Ils vivent dans des sphères absolument séparées. Il n'y a entre eux aucun contact possible. D'où serait née la haine qui diviserait ces jeunes gens ? Il est vrai, ton raisonnement est juste, je dois m'y rendre, répondit David en réfléchissant. Et pourtant, je ne sais quoi me dit que Frédéric subit l'influence d'une crise toute morale. Oh, quant à cela, je suis loin de regarder comme absolue l'explication que j'ai donnée à Madame Bastien, dans l'espoir de la rassurer. Je dis comme toi, Frédéric est peut-être sous l'influence d'une crise morale. Cette crise, quelle est-elle? Hélas, il sera bien difficile de la découvrir si la pénétration d'une mère a échoué dans cette recherche. J'ai d'ailleurs engagé Madame Bastien à tâcher de donner à son fils le plus de distractions possible, et au besoin à le faire voyager pendant quelques mois. Peut-être le mouvement, le changement de lieu, aurait-il sur lui une réaction salutaire? Tiens, maintenant, Pierre, reprit tristement David après un moment de silence, je suis presque au regret d'avoir rencontré chez toi cette charmante femme, par cela même qu'elle et son fils m'inspirent un intérêt croissant. Que veux-tu dire? Franchement, mon ami, quoi de plus triste que d'éprouver une commisération aussi profonde que Ben? Qu'y a-t-il de plus digne de sympathie et de vénération que cette jeune femme si atrocement mariée, et pourtant vivant longtemps heureuse dans une complète solitude, avec cet enfant beau, sensible, intelligent comme elle? Et voilà que tout à coup cette double existence est attaquée d'un mal mystérieux. Ce pauvre enfant s'étiole. Sa mère voit avec une douleur croissante les progrès du mal inconnu dont elle s'épuise en vain à chercher la cause. Ah, de cette douleur je devine toutes les angoisses. Car moi aussi j'ai aimé mon pauvre Fernand, avec idolâtrie, ajouta David en contenant à peine ses larmes. Et ne pouvoir que plaindre cette double infortune, continuer son chemin en se demandant ce que deviendra un enfant de 16 ans dont l'avenir paraît si sombre. Oh, cette impuissance forcée, fatale, devant le mal qu'on déplore, a toujours été un tourment, presque un remords pour moi. Oui, cela est vrai, reprit le docteur en prenant les mains de son ami avec émotion. Combien de fois ne m'as-tu pas écrit que la seule amertume de tes longs et pénibles voyages entrepris dans un si noble but était cette nécessité de constater froidement les faits les plus affreux, les coutumes les plus barbares, les lois les plus monstrueuses, et de reconnaître en même temps que durant des années, des siècles peut-être. Tant de maux devaient poursuivre paisiblement leur cours. Oui, oui, je comprends ce que cause à des âmes comme la tienne, David, la vue du mal et l'impossibilité de le soulager. 5h15 sonnèrent à l'horloge de Pontbriand. « Mon pauvre ami, nous n'avons plus que quelques minutes, » dit David en sortant de la rêverie où il était plongé, et il tendit la main au docteur. Celui-ci ne répondit pas d'abord. Deux larmes coulèrent lentement de ses yeux, et lorsque son émotion lui permit de parler. « Hélas, mon pauvre Henri, je devrais être familiarisé avec la pensée de ton départ, et tu le vois, le courage me manque. Allons, Pierre, avant 2 ans, je te reverrai. Ce voyage sera probablement le dernier que j'entreprendrai, et alors, tu sais mes projets, j'en viendrai m'établir auprès de toi. » Le docteur secoua mélancoliquement la tête. « Je n'espère pas un pareil bonheur. Je sais ce que tu cherches à oublier au milieu de cette vie d'aventure, de péril, au-devant desquels tu te jettes avec une audace désespérée. Car tes voyages à toi sont aussi chanceux que des batailles. Quel danger n'as-tu pas déjà couru? Et voici qu'à cette heure tu pars pour l'une des plus dangereuses excursions qu'un voyageur puisse tenter, une exploration dans l'intérieur de l'Afrique. Et tu ne veux pas que je m'alarme? Aie confiance en mon étoile, mon bon Pierre. Tu sais le proverbe. Il est des malheureux dont la mort ne veut pas, reprit David avec une résignation amère. Que cela, du moins, te rassure. Va, crois-moi, nous nous reverrons ici, dans ce petit salon. Monsieur, monsieur, la diligence de Nantes est en train de relayer, dit la vieille servante en entrant précipitamment. Il n'y a pas un moment à perdre, venez, venez. Allons, adieu, Pierre, reprit David en serrant son ami dans ses bras. Écris-moi à Nantes, un dernier mot, et n'oublie pas de me donner des nouvelles de Madame Bastien et de son fils. Si je savais cette charmante femme moins inquiète, il me semble que cela serait d'un bon augure pour mon voyage. Allons, encore adieu, et au revoir, mon bon Pierre. À revoir, que Dieu t'entende, dit le docteur Dufour en embrassant une dernière fois son ami. Maintenant, Pierre, conduis-moi jusqu'à la diligence. Je veux te serrer la main en montant en voiture. Quelques instants après, Henri David partait pour Nantes, où il devait rejoindre le brick L'Endémion, frété pour Gorée.